franceinter.fr. Aujourd'hui, à l'occasion de l'Euro 2016, Affaires Sensibles vous propose de réécouter une histoire de foot. L'histoire d'un soir, un moment très particulier qu'on appelle communément Séville 82. C'était la Coupe du Monde en Espagne en 1982, donc demi-finale contre l'Allemagne, la défaite la plus célèbre et la plus douloureuse de l'histoire du football français. Séville 82, c'est le souvenir encore vif d'une immense tristesse, d'une infinie frustration et de regrets éternels. Devant l'Allemagne, une équipe qu'on aimait tant détester, tant elle a gagné de matchs, en prenant à malin plaisir à ne pas donner de plaisir. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ce reproche aux Allemands, bien sûr. Ils ont gagné le Mondial au Brésil en juillet dernier avec la manière, souvent, l'art, rarement, mais globalement, personne ne leur conteste leur victoire. Müller et sa bande, comme pendant cet Euro d'ailleurs, ont donné au football allemand un visage présentable, nous faisant presque oublier le maillot blanc et le short noir de leurs aînés. Ces briseurs de rêves, les Sepp Maier, Horst Rubesch et Karl-Heinz Rummenigge, qui pendant deux décennies ont terrassé le talent si grand et si fragile des Johan Cruyff, Osvaldo Piazza ou Michel Platini. Ce réalisme a fait dire un jour au footballeur britannique Lineker « Le football est un jeu qui se joue à 22 pendant une heure et demie et à la fin, ce sont les Allemands qui gagnent. » Oui, car pour les Allemands, seule la victoire est belle. Platini et sa bande, au contraire, ont montré que la défaite pouvait elle aussi être belle, onirique, pleine de promesses, romantique même. Une dimension inconnue pour leurs adversaires allemands qui, le 7 juillet 82 à Séville, ont ajouté au fléau du réalisme l'agression et la violence, montrant ainsi le visage le plus hideux du football. En finale, l'Italie sautillante et talentueuse des Rossi, Conte et Gentile mettra aux Allemands la correction méritée. Ce n'est pas à Bonn qui ira séjourner cette Coupe du Monde 82, mais à Rome, comme une morale résiduelle, un soulagement tout de même pour les Français. Pour en parler, nous recevrons en seconde partie l'un des héros de cette épopée, le joueur Alain Giresse, que vous entendez régulièrement sur les antennes de Radio France, en ce moment, pour commenter l'Euro. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attachée de production, Léa Dupouy-Henquin et Lucille Valéry, coordination Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. Réalisation, Coyenne Guyenne, Jérôme Chélius et Fabrice Lègle. À la technique aujourd'hui, Loïc Frapsos. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Dans moins d'une heure, tout ce que la France compte, de vrais amateurs, de footballeurs en chambre et de patriotes du ballon rond, autrement dit, une bonne partie d'entre nous, seront agglutinés devant leur téléviseur branché sur Antenne 2. Platini, Trésor, Tigana, Giresse, oh là là, extraordinaire. J'espère que ce n'est pas un signe du destin. Non, non, j'espère aussi. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Il faut tenir 15 minutes. Ah, j'ai rarement vécu une fin de match comme ça, Jean-Michel, je vous le cache pas. Hein. Extraordinaire, extraordinaire, dénouement, ici, à Séville. Après la gloire de 1958, Copa, Fontaine, puis Anthony en demi-finale de la Coupe du Monde en Suède, le football français a connu une très longue traversée du désert, allant de défaites en défaites et se privant presque à chaque fois de participer aux grandes compétitions internationales, incapable de se qualifier, jusqu'à ce jour de mars 1976. Le 17 mars 1976, les Verts de Saint-Étienne éliminent l'ogre de la compétition. Cette année-là, le Dynamo Kiev, emmené par le joueur le plus rapide des terrains à l'époque, Oleg Blokhin. Un exploit retentissant qui emmènera les Verts jusqu'en finale à Glasgow contre le Bayern de Munich, qui décrochera une toute petite victoire sur un pauvre coup franc tiré en force par un certain Franz Rothe, les Allemands déjà. Mais une voie était ouverte. Les joueurs de Saint-Étienne venaient de vaincre le Cygne indien. Ils venaient de prouver qu'une équipe française pouvait se hisser au plus haut, aller jusqu'en finale de la plus grande des Coupes d'Europe, celle des clubs champions, comme on disait ces années-là. Saint-Étienne devient alors la Florence du football français. C'est là que s'écrit sa renaissance. Ce sont les Verts qui vont redonner des couleurs au bleu. D'ailleurs, et fort logiquement, avec cette ossature stéphanoise, Michel Hidalgo, sélectionneur inspiré, monte son équipe. Il y adjoint quelques footballeurs venus d'autres clubs, à la tête desquels celui qui allait devenir et qui reste à ce jour le plus grand joueur de l'histoire du foot français, Michel Platini, le gamin de Nancy, aujourd'hui patron du football européen. Cette équipe-là se qualifie pour la Coupe du Monde 78 en Argentine. Pouf, un galop d'essai pour les Bleus, éliminés dès le premier tour, mais on sent qu'ils nous réservent des lendemains qui chantent. Ils arriveront 4 ans plus tard, en Espagne, pour la Coupe du Monde 82. Gires, Trésor, Rocheteau, Janvion, Genghini, Platini, la voilà l'équipe brillante. Qui pourtant rate son premier match contre l'Angleterre, mais enchaîne par une victoire 4-1 contre le Koweït, résiste contre la Tchécoslovaquie, bat l'Autriche et triomphe contre l'Irlande du Nord. Pour la première fois depuis 1958, la France atteint les demi-finales de la Coupe du Monde. Ce sera contre l'Allemagne, la RFA à l'époque. 2 titres de champion du monde au compteur, mais elle aussi rate son entrée. À la surprise générale, l'équipe algérienne la bat, 2-1. Au troisième match, il lui est indispensable de battre l'Autriche. Alors elle marque une fois juste un but qui lui permet de finir en tête du groupe et d'offrir une place pour le second tour à l'adversaire du soir, l'Autriche. Match odieux, probablement arrangé entre les deux équipes germanophones. Quoi qu'il en soit, la RFA atteint la demi-finale en battant l'Espagne 2-1. Elle est prête pour défier la France. Tout le monde souhaite la défaite de cette équipe de RFA, antipathique, tricheuse, voire insupportable, sauf pour les spectateurs et supporters allemands, ce qui se comprend. Pierre Draxuc, vous êtes parmi les consommateurs qui attendent le football. Y a-t-il déjà de l'ambiance dans la salle ? En effet, Jean-Pierre, je suis dans un de ces bars de Montparnasse, un des bars qui en France retransmet ce match, et déjà bon nombre de téléspectateurs sont présents. Monsieur, vous êtes-vous un supporter ? Vous assistez à tous les matchs ? Absolument, tous les matchs où je peux assister, j'y assiste. Depuis le début de la Coupe du Monde ? Oui, depuis le début de la Coupe du Monde. Que va faire la France ce soir ? Ah ben j'espère qu'elle va gagner, bien sûr. 8 juillet 1982, Séville, soleil de plomb, odeur de jasmin. Dans les rues, restent encore quelques supporters brésiliens qui n'en reviennent toujours pas d'avoir été éliminés par les Italiens superbes. Désormais, la ville accueille les supporters français et allemands. Les joueurs, eux, se préparent. Platini a bien saisi la dimension de l'enjeu. On a du mal à se rendre compte qu'on est en demi-finale de la Coupe du Monde, alors on l'abordera comme un match exceptionnel, puisque c'est un match exceptionnel de rencontrer les Allemands. Mais c'est pas parce qu'on est en demi-finale de la Coupe du Monde qu'on va avoir peur ou qu'on va penser à autre chose. Et est-ce qu'on pense à plus loin ? Est-ce qu'on pense à la finale maintenant, quand on est en demi-finale ? Je crois qu'on se dit surtout, il y a les Allemands, les Polonais, les Italiens et les Français. On a battu les Allemands, on a battu les Italiens, on a battu les Polonais en quelques années, donc on croit... On rêve de les battre, mais se dire que c'est demi-finale et la finale de la Coupe du Monde, ça, moi j'ai du mal à me mettre dans la tête. Mais je pense que les Allemands sont favoris. Et en principe, on aurait 40% de chances de gagner contre les Allemands. Je crois qu'ils sont favoris et à nous à créer la surprise, encore une fois. Dans la presse, même son cloche, on met en avant la force allemande face à la technique française. Une opposition de style, tout ce qu'on aime dans le sport. En fin de journée, pendant que le stade Ramon Sanchez Pizjuan se remplit peu à peu, en France, les rues se vident. Chez soi, dans son canapé ou dans un bar, avec des amis, on s'installe devant le poste de télévision. Le foot n'a pas son pareil pour planter ce genre de décor. On s'ennuie souvent en regardant un match, car les phases actives du jeu ne sont pas légion finalement. Mais quand le match est grand, quand il nous fait vibrer, le foot reste le plus grand spectacle en ce bas monde, le plus fédérateur en tout cas. 20h55, Français et Allemands entrent sur le terrain. ⁇ 70 000 supporters dans le stade et des millions de téléspectateurs devant leur télé. C'est ça la Coupe du Monde de football, l'événement sportif numéro 1 avant même les JO. Au micro pour les commentaires et pour Antenne 2, Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, bien sûr. Une équipe de France à 90 minutes du bonheur, car il est bien évident que si les tricolores de Michel Platini réussissaient à se qualifier pour la finale de la Coupe du Monde, eh bien ils réussiraient là un exploit qui n'a jamais été fait par une équipe dans le football français. Coup d'envoi donné par les Allemands et première interception de Tigana. Tigana qui court sur ce ballon, poursuivi par Magat, donne derrière à Marius Trésor. Platini et ballon mis en touche par Alain Gires. Voilà, le match est lancé, mais l'enjeu semble tétaniser les Bleus. 5 minutes sans vraiment toucher le ballon, à observer la stratégie allemande. Les gestes sont approximatifs, on a du mal à trouver le tempo. On observe les réactions sur le banc des deux sélections. L'équipe technique et les remplaçants sont commentaires, blottis dans une espèce de fosse. On ne voit que leur tête et pour l'instant ils font la tête. À la 15e minute, nouvelle faute des Français, nouvelle occasion pour l'Allemagne. Et nouvelle faute. Et alors là, un coup franc extrêmement dangereux pour Jean-Luc Ettori, puisqu'il se situe à 20 mètres. 20 mètres face au but, tir de ligne, parti, la barre! La barre qui sauve l'équipe de France sur ce coup franc. Mais la transversale vient de sauver les Français. 3 minutes plus tard, Jean-Luc Ettori, le gardien de but, est de nouveau sous le feu des attaques allemandes. Breitner. Il a fait la différence, Breitner. Attention, Fischer! Oui, belle sortie de Jean-Luc Ettori, mais but quand même de Lidbarski qui récupère le ballon sur cette sortie de Jean-Luc Ettori. L'Allemagne ouvre le score à la 18e minute de la partie. L'Allemagne marque grâce au milieu du FC Cologne, Pierre Lidbarski. Aïe. Mais bon, il reste encore du temps. Surtout, ne pas se précipiter. Peu à peu, les Français jouent mieux. Rocheteau, compensé handicapé depuis le dernier match, semble bien en jambe. Il affole les Allemands par ses sprints et ses dribbles. Platini, quant à lui, déroule. C'est le capitaine, le métronome de l'équipe de France. Il dévie, accélère, libère les espaces et délivre à ses coéquipiers des passes lointaines, de 30 mètres quelquefois, d'une précision diabolique. Et soudain, à la 27e minute, sur les ondes de France Inter, Jacques Vendroux s'écrie. Un pénalty pour la France, car Rocheteau a été accroché par porteur. Pénalty pour l'équipe de France. Sur ce coup franc donné par Giresse, la balle est arrivée sur la tête de Rocheteau, qui a été bousculée par Foster. Occasion unique donc pour l'équipe de France de revenir au score. Platini, le capitaine français, qui va tirer ce pénalty qui est face au gardien allemand, Harald Schumacher. Platini qui s'élance, qui frappe et qui marque. But! C'est le 22e but de Platini en équipe de France, mais celui-là est peut-être le plus important. Un partout à la mi-temps, tout est encore possible. En France, c'est le soulagement. L'écart annoncé entre les deux formations n'a rien d'évident, pour l'instant. À Séville, dans les vestiaires étroits du stade, quelques sourires s'échangent, heureux d'avoir résisté à l'armada allemande. Michel Hidalgo félicite ses joueurs, recadre certains d'entre eux, mais fidèle à son style papagato, il câline, encourage, sympa Hidalgo. Bernard Gianghini, l'un des milieux de terrain, semble blessé suite à un mauvais coup lors d'un choc avec Uli Stilic. Hidalgo parle à Patrick Battiston, lui aussi va entrer dans l'arène. En attendant le retour des joueurs, Thierry Roland et Jean-Michel Larquet font le bilan de la première mi-temps. Eh bien oui, nous voici de retour au stade Sanchez-Pitouane où les joueurs n'ont pas encore regagné la pelouse pour cette deuxième mi-temps. Eh bien malin, qui pourrait dire Jean-Michel ce qui va se passer au cours de la deuxième mi-temps. Bien malin, effectivement, car cette partie a été spectaculaire, a été équilibrée. Les Français ont parfaitement joué leur rôle d'outsider. Je pense que sur ce que l'on a vu depuis le début du tournoi et depuis le début de ce match, ils ont tous les atouts dans leurs pieds. À la 51e minute de la deuxième mi-temps, Gianghini cède sa place à Battiston. 6 minutes plus tard, Bossis récupère le ballon, le transmet à Platini, qui l'envoie d'une transversale lumineuse, encore une, à Battiston, lancé à vive allure, caviar, comme disent les footballeurs. De Platini pour Battiston. À côté. Aïe, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et encore une fois, Schumacher. Il a pas fait le voyage. Non, regardez où il va mettre son pied, Schumacher. Regardez. Voilà. Ah oui. Alors, une fois, ça va, mais ça échappe chaque fois à M. Corner. Monsieur Corner, sorti de lourdes responsabilités, il a été impuni pendant 45 minutes. Il continue. Oui. Alors que les Français ont déjà utilisé un joueur et que Battiston est bien sonné pour le compte. Oui, oui. Le choc. Des images lointaines où l'on voit Battiston à terre, le poing serré, tremblant, quittant ses amis, c'est grave. Il est dans le coma. Ses amis voient ses yeux révulsés, il est pris de convulsions. Schumacher, qui se croit à la guerre, est venu percuter de plein fouet le visage de Battiston avec sa hanche à plus de 1,50 m du sol. Les équipiers entourent le joueur français et demandent les secours. Michel Platini panique, pendant que Schumacher et son épouvantable arrogance attendent tranquillement, balle au pied, qu'on évacue leur victime. On se souvient tous du geste de Platini quand Batiston est transporté en civière. L'un de ses bras tombe comme une feuille morte. Le capitaine de l'équipe, son grand copain, lui prend la main et l'accompagne jusqu'en dehors du terrain. Alors la colère, l'indignation, le dégoût nous envahit contre Schumacher et contre Charles Corver, l'arbitre qui n'a pas levé le petit doigt. Même le très politiquement correct Jean-Michel Larquet sort de ses gonds. Eh oui, que voulez-vous, monsieur Corver ? Honte à vous ! Inadmissible, oui. Car quand on est à 10 mètres de l'action, on ne peut pas se laisser abuser par ce genre de geste. Oui, et d'autant que ça se voit quand même. Très vilain geste, en tout cas, de Schumacher. Et très mauvais arbitrage, je n'ai pas peur de le dire, de monsieur Corver. Mais quand on ne veut pas voir les fautes, on ne les voit pas. Il vient dans le cirage, Papy Batiston. Une mâchoire fracturée, trois dents, au moins une vertèbre endommagée, mais aucune sanction contre le portier allemand, rien. C'est Christian Lopez qui remplace Batiston, le match continue. Il vient d'entrer dans l'histoire et ce n'est pas fini. Les Français relèvent la tête, peu à peu. Les deux équipes s'offrent des occasions de but, mais la marque n'a pas changé, toujours un partout. Il reste à peine une minute dans le temps réglementaire. Tigana, Gires, Platini, Amoros, tire, la barre ! La barre ! Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, c'est pas possible ! Oh là, quelle frappe d'Amoros ! Ah ça, on peut pas dire que les Français soient payés. Ah, c'est pas vrai, transversale, à 30 secondes de la fin. C'était le but capital. Ah oui. J'espère que ce n'est pas un signe du destin. Non, non, j'espère aussi. La frappe de l'intérieur du pied de Manuel Amoros est magnifique, mais en vain. Retour au vestiaire, le ticket pour la finale se jouera dans les prolongations. Jette, tu me quittes, pas de quoi se jeter d'une tour. Après tout, ça m'évite d'avoir à te jeter un jour. J'ai porté des poids plus lourds, j'ai eu des astres plus désastreux. Des deuils et des crashs d'amour, des instants plus douloureux. Comme France-Allemagne 82. France-Allemagne 82. Tu me balances, tu me laisses, pas de quoi faire une histoire. Je vais tourner le dos à la finesse, manger comme un homme et puis boire. Je n'aurai plus à m'émouvoir sur tes expos d'artistes bulgares. Tes films qui font pleurer les yeux, encore plus tristes que France-Allemagne 82. France-Allemagne 82. Tu as beau faire le cadeau. Rira bien, qui rira bien, on verra pour qui les larmes. Prends tes disques, t'es livré mon cœur, je n'ai plus besoin d'eux. J'en aurai moins de rancœur que n'en ont-tu les bleus. De France-Allemagne 82. France-Allemagne 82. Tu as beau faire. Tu m'exclus du jeu, tu me renvoies au vestiaire. Tu peux me piétiner si tu veux, me coucher sur une civière. Tu peux me faire une Schumacher, je me tordrai pas de douleur. Tu peux bien me casser en deux, après la pluie vient le ciel bleu. Après la pluie vient le ciel bleu. Et après France-Allemagne 82. Viens Roland-Garros 83. Séville 82, les prolongations commencent. Dès le coup de sifflet, le match s'emballe. 93e minute, coup franc pour la France. C'est Jacques Vendroux qui nous raconte la suite. Un coup franc qui va être tiré par Alain Giresse sur le côté gauche du gardien Schumacher. Le ballon célèbre dans la surface de réparation. Marius Trésor et qui meurt. Reprise de volée de Marius Trésor qui meurt. Reprise de volée de Marius Trésor qui marque un but absolument extraordinaire. Tout à fait remarquable à l'actif de l'équipe de France et Marius Trésor. Un but d'anthologie, croyez-moi. Des Français qui mènent 2-1. Marius Trésor, 32 ans, une élégance rare, un vétéran de l'équipe de France. Depuis le début de la compétition, le libéro tricolore est au sommet, impeccable en défense. Il multiplie les montées offensives, apporte le surnombre dans la surface. À la 93e minute, il marque sans doute l'un des plus beaux buts des Bleus dans cette compétition. Une reprise de volée somptueuse, la position du corps est parfaite, c'est une chorégraphie. À Séville, le stade est debout, ce n'est plus du football, c'est de l'art. En France, c'est la liesse. Et comble du bonheur, 7 minutes plus tard, c'est un autre Bordelais, Alain Giresse, qui marque fabuleux. Rocheteau, face à Foster, Platini, Platini, Dix. En retrait pour Giresse, en retrait pour Giresse. Il n'a pas vu. Voilà, oui, oui, oui. Oui, oui, oui, oui. Il a joué. Giresse qui marque le troisième but sur ce centre en retrait. Didier Six, 3 buts à 1, 9e minute de la prolongation, et les Français qui sont pratiquement en finale de la Coupe du Monde. Extraordinaire dénouement ici à Séville. Alain Giresse, ce soir-là, c'est lui qui amène la France sur une route encore inconnue, celle d'une finale de la Coupe du Monde. 3-1 à 20 minutes de la fin, l'affaire est dans la poche, extatique. Dans les salles de rédaction, on cherche déjà les titres pour la une du lendemain et on va fouiller dans le dictionnaire des superlatifs. L'arrogance allemande est terrassée, l'agression contre Schumacher est vengée. Ce soir, le football est moral. Malheureusement, il oubliera d'être mental. Enfin, les Français oublieront cette dimension. Car enfin, que se passe-t-il après le but de Giresse? La fatigue? L'euphorie? La déconcentration? Côté allemand, on joue la carte Rummenigge, le Karl du Bayern de Munich, meilleur joueur allemand du moment. Incertain, il entre enfin sur le terrain et à la 102e minute, il marque. Spielecke. Wunderbar, so, Philipp Baski, geh doch, Rummenigge, und da ist es! Da ist es! 2-3-1 pour la France, on passe à 3-2. Quelques minutes plus tard, Hortz-Roubaix saute haut, trop haut pour la défense française. Rabat sur Fischer, qui marque grâce à un retourné acrobatique à 3-3. Tout est à recommencer. Littbarski, une gute flanke. Und der Fall rückzieht und das Tor! 3-3. Mais que s'est-il passé? Eh bien, il s'est passé que les Français virevoltants, amoureux du beau jeu qu'ils pratiquent par réflexe, ont oublié quelques fondamentaux du football. À 3-1 et à quelques minutes de la fin d'un match si important, on doit fermer le jeu, balancer des grandes balles en avant, n'importe où de préférence, pourvu qu'on gagne du temps, enfin c'est ce qu'on dit. Et puis les Bleus avaient aussi oublié à quel point les Allemands sont combatifs. Leur jeu efficace et moche, un attelage qui a longtemps fait ses preuves au football, a encore frappé, mais surtout, reconnaissons-le, leur force mentale. Et d'une certaine façon, leur intelligence de jeu a fait le reste. Alors voilà, il va falloir passer par les tirs au but, le summum du suspense, l'épreuve sans pitié. Séville 82 va entrer dans la légende. C'est Giresse qui ouvre le bal. Il s'approche lentement, ne regarde pas Schumacher, tire, c'est bon, 1-0. Giresse aura été parfait de bout en bout dans ce match. Kaltz lui répond, Amoros prend 2 pas d'élan, puis marque lui aussi. Breitner égalise, Rocheteau marque le 3e. Puis c'est au tour de Ulrich Tilke, le libéro du Real Madrid. Incroyable. Jean-Luc Ettori dévie le ballon, frappé mollement à mi-hauteur. Ça y est, la perspective de la finale s'approche. 4-3 pour la France, plus qu'un. Oui, oui. Bravo Ettori. Bravo Ettori. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Non, ça n'est pas fini. Et là, la France a un petit avantage. Il reste 2 coups de pied à donner. Il ne faut pas les manquer. Didier Six. Didier Six, le premier. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. On apprendra plus tard que Six avait demandé à Michel Platini de tirer le 5e et dernier pénalty, celui de la gloire, de la délivrance. Platini aurait refusé. Ce 5e but, c'est effectivement Platini qui le marque. Rummenigge transforme le sien, égalité, on continue jusqu'à ce que mort s'en suive. Maxime Bossis s'avance. Allez, Maxime, envoie l'équipe de France en finale, elle le mérite. Horreur, il rate. Il est 23h41, la France tombe au champ d'honneur, comme diraient les militaires. C'est fini. Commence alors l'ère des regrets. Comment un carré magique, comme celui constitué par les Platini, Gires, Tigana, Genghini, a-t-il pu se faire battre ce jour-là? Parce que ce jour-là, il valait mieux être carré que magique. Bon, c'est avec tristesse donc que nous quittons ici le stade de Sanchez Pizjuan à Séville. Je pense qu'il est inutile qu'on vous rappelle le résultat. Ici, Séville, à vous Paris. Chaque mythe a un nom en Allemagne, on l'appelle la nuit de Séville, dit Nacht von Sevilla. En France, on dit Séville 82, et tout est dit. 2 ans plus tard, cette même équipe gagnera l'Euro, offrant à la France son premier grand titre international. En ces jours de juin 1984, Michel Platini transformera chaque match en démonstration de football, talent hors norme, efficacité hors norme, et surtout ses buts sur coup franc, magiques, inoubliables. Alors si le trophée brandi au Stade de France en 1998 par Didier Deschamps était l'aboutissement d'un long processus entamé dans le chaudron de Geoffroy Guichard en 1976 et consolidé par l'équipe de France Génération Platini, on veut le croire. Ce nid de canaris au bord de mon lit, endormis sous leurs plumes comme ensevelis, étant la première chose qu'ils n'aient jamais vue, leur père en quelque sorte je suis devenu. Je les ai tous appelés Michel Platini, c'est bien d'en avoir plein pour prendre la route. Ils donnaient de l'ampleur à chacun de mes gestes et venaient se poser sur moi quand je m'écroulais. Transformez-moi en mythe, j'ai le Platini. Transformez-moi en mythe quand il est encore tôt. Transformez-moi en mythe, j'ai le Platini. Transformez-moi en mythe quand il est encore tôt. Peut-être un peu trop. Transformez-moi en Michel Platini. Transformez-moi en Michel tant qu'il est encore tôt. Envoler la mélancolie. Allez, voler. Allez, voler. Épique de prendre la route avec toute une équipe de Michel Platini. France Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaire sensible aujourd'hui, donc, ce qu'on a appelé, à juste titre, la dramaturgie de Séville en 1982, la défaite de l'équipe de France devant l'Allemagne, avec notre invité qui fut l'un des acteurs de cet événement, puisqu'il était milieu de terrain de l'équipe de France, l'un des milieux de terrain, ce milieu de terrain magique de l'époque, et c'est Alain Giresse. Bonjour Alain Giresse. Bonjour. Alors, le récit, on l'a entendu ensemble, ça a dû remuer quelques souvenirs chez vous, j'imagine. Alors, il faut bien savoir ce que nous, spectateurs, on a ressenti à l'époque. C'était très violent. Et on se demandait, mais qu'est-ce qu'ils pensent, les joueurs, eux, qui ont mené cette épopée, là, à la fin du match? Qu'est-ce qu'il y a dans leur tête? Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, Alain Giresse, au coup de sifflet final? Vous vous en souvenez encore? C'est précis dans votre mémoire? Oui, c'est totalement précis. Et il suffit comme ça de relancer ce match à travers comme ça des échanges. Et c'est ce que font les gens au quotidien. Je peux vous dire, je passe pas un jour sans comme le... On m'interpelle sur ce match et ce soir-là, eh bien, écoutez, c'était, comment dirais-je, c'était un abattement total parce que on a vraiment cru que ça y est, on était en finale de la Coupe du Monde et quelque chose qui était un petit peu inespéré puisque on escomptait faire un bon parcours, mais de là à ce que, aller tutoyer les sommets, jamais on pouvait l'imaginer. Et c'était donc cet abattement et qui était en plus chargé de tellement d'éléments d'injustice que l'on ressentait par rapport à notre jeu, par rapport à des événements qu'il y avait eu à l'intérieur du match, plein de choses qui faisaient que on était vraiment très amers, mais c'était vraiment un abattement profond et on était comme des gamins à qui on a malheureusement cassé un beau jouet. Il y avait quelque chose de cruel là-dedans. C'était cruel parce que On trouvait ça injuste, d'abord parce qu'on est passé par plein de sentiments dans ce match-là, et on a subi de l'injustice par rapport à la direction du match, et donc c'était même aujourd'hui, on n'arrive pas à se consoler, on n'arrive pas à trouver quelque chose qui puisse nous dire, bah c'était bien quand même. Non, on peut pas complètement, comme on... Quelquefois, on entend dire, dans certains cas, ça y est, on a fait notre deuil. On ne fera jamais notre deuil de Séville. Et vous savez que certains spectateurs non plus, quand on a assisté à ce match, et qu'il suffit d'en reparler, on se remet immédiatement dans la position dans laquelle nous étions, spectateurs, en communion totale avec vous. C'est-à-dire que cette douleur morale que vous aviez, vous, sur le terrain, pour nous, elle était la même pour les spectateurs. Est-ce que vous aviez conscience, par ailleurs, dans cette Coupe du Monde, que vous étiez vraiment une très belle équipe, une équipe séduisante? Et d'ailleurs, en finale, le public était pour l'Italie devant l'Allemagne, probablement pas pour l'Italie, mais contre l'Allemagne, parce que on voulait que ce soit vous. Vous aviez conscience qu'en fait, vous étiez de grands séducteurs par votre jeu à l'époque? Alors, on n'en a pas sur le moment. On a pris conscience après. Et effectivement, c'est incroyable la sympathie que l'on a pu dégager à travers notre jeu, notre façon de jouer et ce que l'on pouvait dégager. Et ça, je me rends compte maintenant, jusqu'à présent. Et même, vous savez, je suis revenu aussi, ne serait-ce qu'à Séville, et les gens du stade étaient là et ils se souviennent de notre équipe et de tout ce qu'ils avaient pu ressentir à travers ce match-là. Et c'est vrai, c'est à la fois ce que je trouve ça beau, parce que c'était un match de football, mais que les gens comme ça aient été séduits par le jeu, parce que l'équipe avait produit donc ça comme spectacle sportif, mais en même temps, tout ce qu'ils avaient ressenti à travers les émotions qu'on a pu leur transmettre. Et c'est pour ça que ça restera quelque chose d'un souvenir très fort, très fort, et que on peut pas oublier ce qui s'est passé, ce qui s'est passé là-bas, et ce qu'on a permis de faire vivre à tous les supporters. Pardon de remuer le couteau dans la plaie, mais après tout, vous êtes le dépositaire d'une histoire. C'est bien aussi d'être le dépositaire d'une histoire. Comment vous êtes endormi? Mais d'une histoire. Alors après, une histoire, on aimerait que ça soit une belle histoire. Alors elle est belle sur certains aspects, évidemment, c'est pas négligeable d'avoir vécu des moments comme ça, d'avoir connu ce que l'on a connu à travers ce match, c'est évident. Il nous manquera toujours quelque chose aujourd'hui. Quand tout à l'heure j'ai dit qu'on fait pas notre deuil, parce que au final, on peut parler de ce match pendant des heures entières et au final on dira oui mais on n'y a pas été et ça c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à combler, qu'on n'arrive pas à éliminer. C'est ça qui est le regret éternel qu'on a. Bien sûr. C'est pas trop difficile de s'entendre dire, parfois, disons par les esprits les moins délicats, « Ah, mais ceux de 98, ils ont gagné, et pas vous. » Oui, mais ça, c'est la dure réalité, la réalité tout court. C'est une... Eux, ils sont champions du monde. Ils sont champions du monde, nous ne l'avons pas été. Voilà, donc... C'est aussi le sport, c'est ça, c'est la victoire, c'est gagner. Tous les sportifs, tous les compétiteurs ne se préparent qu'à ça. Et difficile de se consoler d'un match où on n'a pas gagné. Bien sûr. Fallait-il continuer, cela dit, à attaquer quand on menait 3-1? Alors ça, c'est la grande question. Et c'est la question qu'on doit nous poser et que vous posez et que nous-mêmes, on aurait dû se poser, et qu'on n'a pas su. Il faut assumer, il y a des éléments qu'on ne peut pas assumer, dont on a subi, mais par contre ça c'est notre partie, et là, on était tellement dans une espèce d'euphorie, d'insouciance dans notre jeu, parce que tout ça, ce n'était pas programmé. On partait pour faire une bonne Coupe du Monde, on n'avait pas prévu tout ça, et on s'est laissé porter par, tout d'un coup, notre montée en puissance, par notre jeu qui était là, qui était débridé, qui était offensif et qui était sans calcul. Et voilà, et à ce moment-là, que vous l'avez dit, à 3-1, on aurait dû tout d'un coup avoir un peu plus de réflexion par rapport au score. En même temps, ça fait partie aussi des côtés un peu cyniques du football, j'appelle ça la victoire à tout prix. Il y a des défaites qui sont glorieuses parce qu'elles sont prometteuses. Et la vôtre, elle était prometteuse. Alors je sais bien que tout ça c'est très théorique et c'est en décalage par rapport à ce que vous avez ressenti sur le terrain et ce que nous on a ressenti comme spectateurs. Mais moi je me souviens, je me disais, d'autres se disaient, cette équipe, elle est vraiment en devenir, elle est belle, c'est pas pour ce coup-ci mais ça va faire mal. 2 ans plus tard, vous êtes champion d'Europe quand même. Oui, c'est sûr que la Coupe du Monde a été un appui considérable. Ça a été notre base qui nous a permis d'être champion d'Europe, qui nous a fait prendre conscience qu'on avait des possibilités, les moyens, bien sûr. Et c'est vrai qu'on peut aussi quelquefois accorder le fait qu'il n'y a pas que la victoire qui est belle dans le sport. Et il y a d'autres exemples, pas que dans le football, où effectivement on peut trouver des exemples de sportifs ou d'équipes qui ont démontré un tel comportement qu'elles ont marqué les esprits et pourtant elles ne sont pas allées jusqu'au bout. Vous avez dans le football la Hollande de 74. Et oui, la Hongrie de 56 aussi. La fabuleuse Hongrie. Et dans l'imaginaire, ça reste... personne n'oublie la qualité du jeu, ce que ces équipes ont démontré comme qualité, c'est vrai, ça existe aussi, oui. Heureusement, et c'est bien. Alors, il y a un épisode terrible, évidemment, dans ce match, c'est l'épisode Schumacher, qui fait un geste terrible sur Battiston. Où étiez-vous sur le terrain à ce moment-là? C'est un drame, hein, Battiston perd dedans, il tombe dans le coma, c'est pas une blessure classique, comme le football en réserve. Souvent, c'est une blessure grave, issue d'un geste grave. Vous étiez où sur le terrain à ce moment-là? Qu'avez-vous vu et qu'avez-vous ressenti? Moi, j'étais positionné derrière Patrick Battiston, mais décalé, c'est-à-dire sur le côté droit. Et donc, dans un premier temps, le réflexe est de suivre le ballon. Et le ballon pour se dire, puisque Patrick Battiston, en reprenant ce ballon, on suit le ballon et malheureusement, bon, il passe à côté. Et puis tout d'un coup, on se rend compte, mais qu'il y a eu un choc, qu'il y a eu un choc violent, et bien sûr, on le constate quand on voit Patrick Battiston qui est allongé au sol, effectivement, d'en casser les vertèbres, puisqu'après, ce problème, effectivement, c'est pas des blessures de footballeur. On prend des coups, si on prend des coups, c'est dans les membres, dans les jambes, dans les chevilles, mais là, il est touché au cervical, ça pose problème, il est inanimé, voilà. C'était le plus grave. Derrière, il n'y a rien eu, ni pénalty, ni carton rouge, ni rien du tout. Bon, ça, c'est la responsabilité de l'arbitre, malheureusement. Et après, bien, ils partent sur une civière avec l'inconnu qu'on pouvait avoir nous-mêmes. Et c'est là que c'était terrible, parce que le match continuait, il fallait continuer. Michel Hidalgo était dans un état total d'incompréhension, mais seulement le match était là. C'est des moments pas faciles à gérer. Et d'autant plus que Michel Hidalgo est un grand émotif. On voyait, je me souviens dans les années 80, quand ça marchait pour l'équipe, quand ça marchait pas, on voyait tout sur son visage. Donc il devait être, j'imagine, complètement décomposé. On va écouter ensemble, tous les deux, à la Giresse, une archive de Schumacher, justement, qui revient sur ce moment si particulier du match. Il y revient en 2014. On l'écoute ensemble, on le commente ensuite. Platini passe à Battiston. Je n'ai pas revu ces images depuis longtemps. Dans ce type d'action, le goal doit avoir un plan. Battiston voulait me lober, mais il n'a pas touché la balle. Moi, j'ai sauté très haut pour empêcher le lob. Dans ces moments-là, on ne peut pas s'arrêter. Si j'étais confronté à cette même situation aujourd'hui en 2014, je sortirais de la même manière. Mais avec Patrick Battiston inconscient sur le terrain, Schumacher exprime-t-il des regrets ? Oui, un seul. J'ai fait une seule erreur. C'est de ne pas m'être occupé de Patrick lorsqu'il était à terre. Je suis retourné dans ma cage et j'ai joué le ballon. C'était de la gêne et un sentiment d'insécurité. J'étais seul, je ne savais pas quoi faire. Ensuite, on m'a dit qu'il avait perdu deux dents. Et là, j'ai dit, Dieu merci, je vais les lui payer. C'était une erreur, pas de la moquerie, simplement une maladresse de ma part. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Oui. D'abord sur l'action elle-même, c'est-à-dire qu'il est en retard, puisque c'est un très bon ballon comme Michel Platini savait les donner, qui le met en bonne position. Patrick Battiston touche le ballon, prend le ballon, mais Harald Schumacher est en retard, il ne peut pas avoir le ballon. Et, vous savez, il se dit, il faut que je fasse quelque chose pour essayer de contrarier Patrick Battiston dans son geste, et il le percute violemment. Il dit qu'il referait la même chose dans ce genre de situation. Oui, la seule chose qu'on peut dire, c'est que je pense que c'était en 2014, je crois ce qu'on a entendu, en 2014, il aurait refait la même chose, sauf qu'il aurait terminé dans les vestiaires par rapport à cette période-là. Après, il dit, j'aurais dû me préoccuper de Patrick Battiston. Mais il ne pouvait pas se préoccuper de Patrick Battiston. Vous prenez Schumacher sur ce match-là, il a regardé toute l'attitude, il a toujours été agressif. Oui, les yeux hagards aussi. Et arrogant, ouais. Repoussant à chaque fois nos attaquants quand ils s'approchaient d'eux, vraiment. Donc il était jusqu'au bout. Mais en même temps, si vous voulez, ça on peut recaler le match au début, c'est-à-dire que quand on rentre sur le terrain, la France et l'Allemagne, ces Allemands qui sont en 82, qui sont champions d'Europe en 80, qui sont déjà, ils ont déjà connu le titre de champion du monde, nous regardent à nous, ils nous regardent à l'entrée comme ça, les petits bleus, mais qu'est-ce que c'est cette équipe-là, cette équipe de France, d'où ils arrivent, qu'est-ce qu'ils font ? Et là, ils essayent, si vous voulez, par rapport à leur attitude, ils essayent déjà moralement, mentalement, un petit peu de nous déstabiliser. Ouais. Donc, ils savaient pertinemment que c'était par de l'arrogance, par de la suffisance qu'ils allaient un petit peu nous déstabiliser, chose qui n'ont pas réussi. Donc, tout était bon pour vraiment pour nous déstabiliser. Cette action le démontre. D'ailleurs, j'étais moi-même très sévère dans le récit concernant ces Allemands qui n'était pas aimable à l'époque. C'était une équipe qu'on n'aimait pas, mais vraiment. Alors qu'aujourd'hui, leur titre de champion du monde en 2014, rappelons-le, est parfaitement mérité. C'est une équipe comme les autres, l'équipe d'Allemagne aujourd'hui, qui joue même très très bien. Mais à cette époque-là, c'est une équipe, je disais, qu'on aimait détester. Hein, elle avait cette image-là, et elle gagnait beaucoup, parce que l'Allemagne gagne beaucoup. Vous qui êtes un professionnel du football, éclairez ma lanterne. Quand un gardien de but est expulsé, fait une faute terrible, qu'on lui met un carton rouge. On ne peut pas remettre un gardien de but à la place, on met un joueur de champ, c'est ça ? Comment ça se passe ? Non, ils auraient mis le gardien de but, mais ils auraient fait sortir un autre joueur. D'accord. Ils auraient fait un changement, c'est-à-dire ils auraient fait rentrer un gardien un spécialiste, un vrai gardien de but, mais ils auraient sorti. C'est ça, un joueur de champ. Ils auraient sorti un joueur de champ. Ah bon? Bon, ben, merci pour la leçon, là, j'y reste. Hein. On apprend tous les jours. On va se retrouver dans 3 minutes après avoir écouté Human League à l'époque qui chantait. Alors, c'était le tube de l'année 82, Don't You Want Me Baby. On va parler à la Gérèse de choses plus souriantes, mais qui sont liées quand même, je le disais, à 82, c'est la théorie de la défaite prometteuse. Hein. Et puis arrive le grand moment. Nous sommes là, en 1984. Écoutez. À notre chronomètre, le match est terminé depuis 17 secondes. L'équipe de France va être championne d'Europe de football pour la première fois de son histoire. Une équipe de France qui se dégage par l'intermédiaire de Joël Batz, qui dégage directement sur Bruno Bellone. Bellone qui va essayer de prendre de vitesse Callego. Intervention d'Arconada. L'arbitre regarde son chronomètre. C'est fini, monsieur l'arbitre. Le match est terminé depuis exactement 40 secondes. L'équipe de France, championne d'Europe de football. Et les Français qui continuent à attaquer par l'intermédiaire de Tigana, qui donne à Bellone. Bellone qui va marquer le deuxième but de l'équipe de France. Voilà, Bellone qui marque le deuxième but de l'équipe de France. Le match à notre chronomètre est terminé. L'équipe de France qui mène 2-0. Il reste quelques secondes à jouer à notre chronomètre. Le match est terminé. L'équipe de France, pour la première fois de son histoire, championne d'Europe de football. Et vous voilà, vous, Alain Giresse, à ce moment-là, champion d'Europe de football, est-ce qu'à ce moment-là, vous avez eu une pensée pour ce qui s'est passé à Séville ? Pas immédiatement, non. Là, on était tous à notre joie. Et ce commentaire de Jacques Vendôme là, donne encore le frisson, ça, c'est extraordinaire. Non, c'est le titre. On est, ça y est, on est champion. Oui, en premier lieu, en pensant à ce titre, on est là, on est champion. Et fatalement, au fond de nous, il y avait toujours derrière Séville. C'était comme une justice réparée. C'est notre, ça y est, on avait enfin le titre que l'on méritait et qu'on a su aller chercher. Et bien sûr que avec Séville, évidemment, hein, qui était notre base pour y arriver. Alors justement, après, là je suis ravi de parler avec vous sur ce point. Donc, 2 ans plus tard, nous sommes au Mexique pour la Coupe du Monde de 1986. La France continue d'être une équipe très forte, ça y est, elle est championne d'Europe en titre, elle fait peur à tout le monde. Et elle va en demi-finale. À l'issue d'un match que nous avons tous vu et qui nous est apparu, et qui est apparu aux spécialistes après, et même aux historiens, comme l'un des plus beaux matchs de l'équipe, de l'histoire de la Coupe du Monde, c'est le match France-Brésil, où tout est techniquement parfait. L'équipe de Brésil est magnifique, la vôtre est magnifique, et deux grandes équipes qui se rencontrent, ça fait un match sublime, avec très peu de touches, tellement, techniquement, vous étiez tous très forts. Voilà, donc on s'est dit, la France est toujours aussi forte, elle est peut-être encore plus forte qu'en 84, elle bat le Brésil, et de quelle manière ? Et puis, 2 jours plus tard, ou je sais pas, 3 jours plus tard. 3 jours plus tard, oui. C'est la demi-finale contre l'Allemagne. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Et il se passe qu'on rate ce match parce que ce quart de finale dont vous parlez contre le Brésil, c'était un match sublime, magique. Hein. Et avec un gros suspense, de la qualité de jeu évidemment. Beaucoup de dépenses nerveuses, physiques bien sûr, parce qu'il y a eu les prolongations aussi, et nerveuses. Et là, on était émoussés. Quant à l'Allemagne, on était émoussés. J'ai revu ce match-là. On n'est pas battu par cette équipe allemande, mais il nous manque ce qui permet de gagner un match. Le petit geste, regardez le premier but, comme on le prend malheureusement sous les bras de Joël Batz. On a toujours des occasions où il nous manque un dixième de seconde, rien du tout. Voilà. Vous aviez la fatigue de la prolongation du Brésil dans les jambes? On avait une forme de décompression, de fatigue nerveuse, fatigue physique, voilà, qui était... C'est quelque chose de totalement involontaire, parce que ce que vous avez dit très justement, c'est que, en termes de potentiel, cette équipe de 86, elle était peut-être la plus forte. Vous voyez, et c'est pourtant dans cette période, on parle de 82, 84, 86, celle de 86, on va la mettre en dernier, alors que potentiellement, par rapport à toute son expérience, son vécu, ce que nous savions faire, c'était 86 qui pouvait prétendre et répondre à une attente d'un titre de champion du monde. Il y avait la maturité et le savoir-faire, il y avait les deux. Alors, on peut imaginer cette année une demi-finale entre l'Allemagne, qui est encore, toujours forte. Vous avez vu d'ailleurs, les Allemands ont retrouvé le maillot qu'ils portaient dans les années 80, hein, le maillot blanc avec blanc et noir. Oui, avec les trois bandes, ils ont laissé tomber le côté bariolé. Donc, on peut avoir, j'ai regardé le tableau, on peut avoir un France-Allemagne en demi-finale. Voilà. Alors, quel sera votre état d'esprit 30 ans après si vous voyez France-Allemagne en demi-finale et en revoyant exactement le même maillot que ceux qui vous ont battu portaient? Oui, déjà il y a eu celui de quart de finale au Brésil, oui, pour la Coupe du Monde. Et bah, écoutez, toujours la même chose. Que l'on veuille ou non, France-Allemagne dans une phase finale de compétition restera quelque chose de particulier. Je crois que ça, c'est à vie, on peut pas y échapper. Donc, l'état d'esprit de quelqu'un qui sera un supporter total de la France, et en espérant évidemment que maintenant les temps ont changé et que nous sommes capables de maîtriser ce qui se faisait de mieux dans les années 80, et que maintenant on peut justement ambitionner de battre et d'éliminer une équipe comme l'Allemagne. C'est-à-dire vaincre le signe indien, mais rassurez-vous, hein, les Allemands ont leur bête noire aussi de leur côté, hein, c'est l'Italie. Chaque fois qu'ils les rencontrent, oui, ils perdent. Oui, c'est exact. Voilà. L'histoire peut se répéter, hein, sait-on jamais. Merci beaucoup, Alain Giresse. Bah, écoutez, bon courage. J'ai l'impression que vous prenez du plaisir à commenter les matchs sur Radio France, ça s'entend. Hein. Voilà. Oui. Et puis, attendez, un euro à domicile, dans des conditions, là, les stades sont pleins, il y a de l'ambiance. Voilà, on essaye que de participer à cette belle fête. Et la maison est heureuse de vous accueillir. Merci Alain Giresse. Au revoir, à bientôt. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, CV 82, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons le drame des migrants à Lampedusa en 2013. Elsa Boublil, bonjour. Bonjour Fabrice Rouen. Qui avec vous aujourd'hui? Vous savez sans doute qu'on a la chance d'accueillir dans notre belle maison un très grand chef d'orchestre, l'un des plus grands de notre temps. Il s'agit d'Emmanuel Krivine. Et Emmanuel Krivine est l'invité de Vous avez dit classique aujourd'hui pendant une heure pour découvrir ses goûts musicaux et aussi ce qu'il a dirigé et même joué parce qu'il était violoniste au départ. Parfait, à tout à l'heure, madame, monsieur.